Prévoyons des visages rayonnants. Fédéral Assurance, l'assureur qui partage ses bénéfices avec vous. Aoum, aoum à toi, Denis. Il paraît qu'il fait beau. Il va faire beau, il va faire chaud. Je vois. Et je vois encore de la chaleur. C'est limite pervers, un peu. Non, mais ceci étant dit, le soleil va s'imposer. Il y a encore quelques nuages d'altitude, mais on attend déjà 26 à 27 degrés en Ardennes, 28 au littoral, 29 sur le centre du pays, 31 en campine, et il fera encore plus chaud demain et mercredi. Il est 8h et à la une de l'actualité ce matin, la procédure Renault qui commence ce matin à Caterpillar Gosselies. Une première phase consacrée à l'information du personnel. Les syndicats vont interroger la direction locale de l'entreprise. On va commencer un processus pour au moins comprendre un peu comment on a pu arriver dans ce genre de situation. Comment la direction locale n'a pas pu voir venir ce qui s'est passé. Nous allons à Charleroi dans une minute pour détailler cette première phase de la procédure Renault. La fête du sacrifice pour les musulmans aujourd'hui, des musulmans souvent déçus par la nouvelle législation contraire au rituel. Dans les abattoirs provisoires de Wallonie, les moutons doivent désormais être étourdis avant d'être égorgés. Hillary Clinton annule tous ses déplacements des prochaines 48 heures. La candidate démocrate à la Maison-Blanche souffre d'une pneumonie. Son malaise hier a suscité beaucoup de commentaires. En sport, début réussi pour le nouvel entraîneur du Standard. Les Rouges ont gagné 2-0 face à Genk hier soir. Et puis victoire finale de Stan Wawrinka à l'US Open de tennis. Les syndicats et la direction de Caterpillar Gosselies se retrouvent donc en ce moment dans un hôtel de la région. Un conseil d'entreprise qui va marquer le début de la procédure Renault, une première phase qui s'annonce longue. Cédric Loriot, vous êtes à Charleroi. Les syndicats vont tenter d'y voir plus clair sur les raisons de la fermeture de l'usine. Oui, durant toute cette phase 1, dite d'information et de consultation, les syndicats vont pouvoir poser toutes les questions qu'ils veulent à la direction Carolo du site, qui est tenue d'y répondre. Un jeu de questions-réponses qui doit permettre de comprendre comment on en est arrivé à cette décision de fermeture. Ivan Delpercio, le président de la délégation syndicale. Cette phrase-là qui est pour au moins comprendre un peu comment on a pu arriver dans ce genre de situation, comment la direction locale n'a pas pu voir venir ce qui s'est passé. La deuxième étape de cette phase 1, ce serait de voir s'il y a éventuellement des alternatives à proposer par rapport à cette annonce. Et pour étudier et proposer ces alternatives, Cédric, les syndicats peuvent compter en ce moment sur le soutien du monde politique et économique. Oui, même si les syndicats de Caterpillar veulent rester prudents dans le flot des déclarations actuelles. Ivan Delpercio. Le monde politique a tout intérêt à être proche des travailleurs, de voir ce qui est possible de faire. Actuellement, il y a beaucoup de déclarations. Le temps nous dira si c'est quelque chose de sérieux ou pas. Bon, il y a beaucoup de choses qui se mettent en place. On refuse rien au niveau des organisations syndicales. On sera vigilant, en tout cas, à la conclusion de celle-ci. Précisons encore que cette phase 1 de la loi Renault est souvent très longue, comme ça a été le cas lors de la restructuration de 2013. Le problème ici, c'est que la décision de fermer l'usine de Gosselies n'a pas été prise par la direction locale, mais par la maison mère américaine. Il est donc possible que cette direction Carolo doive s'adresser directement aux États-Unis pour obtenir les réponses aux questions des syndicats. Merci Cédric Loriot en duplex de Charleroi. Le procès des Kamikaze Riders commence ce matin à Bruxelles. Les Kamikaze Riders, c'est ce groupe de motards connus pour faire des courses de moto sur le ring de Bruxelles. Ils sont souvent de confession musulmane. Deux membres des Kamikaze Riders ont été arrêtés à la fin de l'année dernière, soupçonnés de préparer un attentat dans le centre de Bruxelles, ce qui avait d'ailleurs conduit les autorités à annuler le feu d'artifice du 31 décembre. Les deux hommes, 27 et 30 ans, comparaissent aujourd'hui devant le tribunal correctionnel. Finalement, ils ne devront pas répondre de tentative d'attentat. Les soupçons étaient apparemment un peu exagérés. Ils sont néanmoins poursuivis pour participation aux activités d'un groupe terroriste. À propos de la lutte contre le terrorisme, la NVA a présenté ce week-end les nouvelles mesures qu'elle veut mettre en place. Pouvoir instaurer un état d'urgence avec la possibilité d'arrestation préventive ou encore étendre les pouvoirs des bourgmestres et des services de renseignement, parfois en se passant de l'intervention d'un juge d'instruction. Un plan sécuritaire de la NVA fraîchement fraîchement accueilli par les partenaires des nationalistes au gouvernement fédéral. Écoutez Charles Michel, le Premier ministre. Moi, je suis prêt à aller plus loin, à condition que chaque fois, on respecte cet équilibre entre d'une part la sécurité, le droit à la sécurité, et d'autre part, les principes fondamentaux de l'état de droit. Je le dis clairement, pour moi, quand on veut restreindre la liberté, c'est un magistrat, pour garantir l'indépendance, qui doit intervenir afin d'éviter les dérapages. Mais c'est autour d'une table, sur base de documents, d'argumentations, que l'on peut discuter de cela, et pas au travers de raccourcis médiatiques. J'ai l'impression que la NVA, parfois, est tentée de jouer justement avec les limites de l'état de droit. À aucun moment, au gouvernement, je n'ai été confronté en 2 ans avec une situation qui mettrait en cause les principes fondamentaux de l'état de droit. Il y a une conscience et une conviction partagée au gouvernement que nous devons mener cette bataille pour la sécurité en défendant nos principes démocratiques. Charles Michel interrogé par Pierre Magos. Le 112, le numéro d'appel d'urgence, n'est pas un jeu, il est bon de le rappeler. L'an dernier, près de 4 appels sur 10 concernaient réellement des urgences, mais presque autant étaient des appels inutiles, des blagues, des appels de proches et même des commandes de taxi. Pourtant, occuper la ligne 112 pour rien, ça peut coûter la vie à quelqu'un qui en a vraiment besoin. Chaque minute compte. Ça peut aussi avoir des conséquences pour les petits plaisantins. Le numéro d'appel d'urgence peut transmettre vos données à la police et engager des poursuites judiciaires. C'est la rentrée dans les universités et les écoles supérieures dans quelques jours, mais la rentrée, Christophe, se prépare déjà. Oui, les conseils étudiants se mettent en place pour l'année académique qui arrive. Certains organisent en ce moment des journées mises au vert, histoire de préparer les nouveaux représentants. Un exemple à Mons, les membres du conseil étudiant de la Haute École Louvain en Hainaut, la ELA, sont réunis en ce moment. Ils sont une 60aine et représenteront plus de 9000 étudiants répartis sur 16 sites. Mais quel va être exactement leur rôle? La réponse de Nathaël Iquet, le président du conseil étudiant. On représente les étudiants au niveau de toutes les instances de la LA. On est là pour donner la voix des étudiants directement, mais aussi pour les défendre si jamais ils ont un problème, si jamais ils ont quoi que ce soit qui ne fonctionne pas. On peut les aider, les informer, faire circuler l'information. Justement, ce rôle est encore un peu méconnu des étudiants. Oui, encore un peu malheureusement, parce que beaucoup d'étudiants, malheureusement, ne captent pas encore vraiment l'intérêt du conseil étudiant. On met beaucoup de choses en place. On passe dans les classes en début d'année pour justement leur rappeler qu'on est là. On a des boîtes de suggestions pour qu'ils puissent venir donner leurs idées. On fait des événements, on a une page Facebook qui tourne bien, mais à côté de ça, je ne sais pas pourquoi autant d'étudiants sont encore relativement en dehors de ce système de conseil étudiant. Et malheureusement, ça touche beaucoup d'établissements d'enseignement supérieur un peu partout. Le président du conseil étudiant de la Haute École Louvain en Hainaut au micro de Stéphanie Vrendrek. Une fête importante ce lundi pour les musulmans. Eh oui, c'est la fête de l'Aïd, la fête du sacrifice. La tradition veut qu'un mouton soit égorgé. Mais depuis l'an dernier, la Wallonie a durci la législation. Seuls les abattoirs fixes sont autorisés à égorger les animaux selon le rituel islamique. Ailleurs, dans les abattoirs temporaires, l'étourdissement du mouton est obligatoire. La communauté musulmane se dit déçu et triste de la situation alors que tout se passait bien auparavant. Écoutez Ahmed El Morabet, c'est le porte-parole de la mosquée Salam à Namur. On a beaucoup de plaintes de la part des gens, comme quoi que c'est un peu triste que cette loi-là... L'étourdissement obligatoire dans les abattoirs mobiles, c'est ça? Oui, bien sûr, mais vous savez, on ne peut pas accepter ça avec notre religion, c'est inconcevable. Comment les familles prennent ça? Comment ils vont vivre cette fête? Du coup, il y en a certains peut-être qui vont quand même envie avoir de la faire comme ils l'ont toujours faite. Bah, vous savez, il y aura toujours des gens qui vont le faire en cachette. Ça, on ne peut pas condamner non plus. On peut pas condamner non plus ça. Parce que, vous savez, quelqu'un qui a 60 ans, qui a 70 ans, qui a vécu toute sa vie ici et qui a fait la fête ici, qui n'a pas fait dans son pays, qu'alors tout se déroulait bien. Donc, au niveau de la communauté, nous sommes un peu perdus envers cette loi. Hein. Le porte-parole de la mosquée Salam à Namur, rencontré par Laurence Laine. Aux États-Unis, un sale week-end pour Hillary Clinton. La candidate démocrate à la Maison-Blanche a d'abord dû s'excuser pour avoir dit du mal des électeurs de Donald Trump. Et puis hier, il y a eu son coup de chaud lors des cérémonies du 11 septembre à New York. Hillary Clinton a fait un malaise. Son médecin annonce qu'elle a une pneumonie. Hillary Clinton est forcée d'interrompre sa campagne électorale pendant 2 jours. Voilà qui donne du grain à moudre à son adversaire républicain Donald Trump. Aux États-Unis, Frédéric Carbone. Le week-end catastrophe d'Hillary Clinton peut se résumer ainsi. L'image de la fragilité et la voix du mépris pour certains électeurs. Deux thèmes que Donald Trump utilise déjà dans sa campagne et qu'il va pouvoir exploiter dans les prochaines semaines. L'image, c'est donc cette vidéo, quelques secondes, où Hillary Clinton vacille, trébuche et doit être aidée par ses gardes de sécurité pour rentrer dans un véhicule après son malaise lors des commémorations du 11 septembre. Une pneumonie est certes une maladie banale, mais elle impose du repos, d'où le report de 48 heures du déplacement dans l'Ouest. Vendredi dernier, le médecin de la candidate avait recommandé d'alléger le programme. Le conseil n'avait pas été suivi. L'image du malaise, en tout cas, parle d'elle-même et Donald Trump n'a presque pas intérêt à en rajouter. En revanche, le candidat républicain a déjà abondamment commenté les propos sur le racisme et le sexisme de la moitié de ses électeurs. « Moi, je respecte ceux qui votent Hillary. Elle va le payer dans les sondages. » Des remarques formulées sur les réseaux sociaux. Pas de déclaration publique ces dernières heures. Ce 11 septembre, la campagne présidentielle faisait un effet relâche. C'est pourtant dans ce calme théorique qu'elle a peut-être basculé de façon inattendue. Frédéric Carbone de France Info à Washington. Une trêve doit entrer en vigueur cet après-midi en Syrie. La Russie et les États-Unis se sont mis d'accord sur un arrêt des combats. Il doit permettre aux organisations non gouvernementales d'apporter de l'aide humanitaire dans les villages assiégés. Mais un groupe rebelle annonce déjà qu'il ne respectera pas le cessez-le-feu. Selon ce groupe, l'arrêt des hostilités ne ferait que renforcer le régime de Bachar al-Assad. Il est 8h10, c'est le 8-9 Sport avec le Standard qui retrouve et l'envie et le sourire. Les Liégeois ont retrouvé le chemin de la victoire hier soir face à Genk, victoire 2-0. Le Standard a surtout affiché un visage conquérant, François Zaleski. Oui, on a vraiment senti la volonté de bien faire du côté rouge. Il y avait de l'engagement et l'envie aussi de jouer en patron, ce qui a posé des problèmes à Genk. Hier, les Liégeois ont tout simplement voulu prendre les choses en main et cela a fonctionné grâce aussi au but des nouveaux venus. Ishak Belfodil et Orlando Sa. Voilà, il a trouvé la formule gagnante. Finalement, le nouvel entraîneur Jankovic, on l'écoute avec un public qu'il a trouvé impressionnant à Sklessin. C'est magnifique. C'est magnifique et ça vous oblige à tout donner. Il faut tout donner tout le temps. Il ne faut jamais calculer au niveau d'énergie, au niveau de générosité. Et ce public-là, il saura récompenser ça. Il saura reconnaître l'effort. Et c'est sûr et certain que c'est un public magnifique, particulier. Mais à partir du moment où on donne tout, on n'aura jamais de problème. Alexander Jankovic confiant. Notez par ailleurs que le nouvel entraîneur du Standard a déjà été remplacé à Malines par Yannick Ferreira, l'ancien du Standard. Ah bah voilà. Et autre public content ce matin, c'est celui d'Anderlecht. Anderlecht victorieux face à Charleroi. Oui, succès 3-2 pour les Mauves dans ce match qui n'aura pourtant pas totalement rassuré les supporters mauvais blancs. Pendant une heure, c'est en effet Charleroi qui a dominé et même mené au score. Mais en 11 minutes, tout simplement, Anderlecht a su inverser la tendance avec des buts de Théodore Tchik, Annie et Tillemans. Charleroi a même fini la rencontre à 10 suite à l'exclusion de Timon. Au classement, les Zèbres cèdent la première place à Zulte Waregem, leader avec un point d'avance sur Anderlecht et sur la Gantoise. À Charleroi est désormais 5e et le Standard remonte à la 9e place avec 2 points de plus que le club de Bruges, le grand perdant du week-end. Merci François Zaleski. En tennis, Stan Wawrinka a privé Novak Djokovic d'un 13e tournoi du Grand Chelem. Le Suisse s'est offert le numéro 1 mondial en finale de l'US Open cette nuit. Une victoire en 4 manches, 6-7, 6-4, 7-5 et 6-3. Légèrement gêné par une ampoule à un orteil, Djokovic a surtout manqué de réalisme dans les moments importants. Wawrinka, lui, n'a pas tremblé. Il dispute à New York sa 3e finale du Grand Chelem. Elle s'est soldée par un 3e succès. Le bilan est donc parfait, on écoute Stan Wawrinka. J'ai jamais rêvé de gagner un grand chelem. J'en ai gagné un deuxième. Je suis arrivé ici, pas en me disant que j'allais gagner le tournoi, mais par contre, je sais qu'à chaque fois que je rentre sur le terrain, peu importe contre qui je joue, je suis capable de le battre. Et aujourd'hui, malgré la nervosité, je me sentais tellement bien que j'avais l'impression que j'avais tout ce qu'il fallait pour le battre. Stan Wawrinka au micro de France Info. En cyclisme, Greg Van Avermaet est décidément en forme olympique. Le médaillé d'or de Rio s'est encore offert un succès de prestige hier soir en remportant le Grand Prix de Montréal devant le champion du monde Peter Sagan. Le Colombien Nairo Quintana lui a enlevé son deuxième grand tour en gagnant le classement final du Tour d'Espagne devant le Britannique Chris Froome. Enfin, à Rio, la Belgique a décroché hier une deuxième médaille aux Jeux Paralympiques, médaille d'or Lorenz DeVos a largement dominé son concours en tennis de table pour personnes souffrant d'hémiplégie et d'infirmité motrice cérébrale. Aujourd'hui, Florian Van Acker tentera de faire aussi bien en tennis de table, mais dans la catégorie réservée aux handicapés mentaux cette fois. Et on ajoutera un regard sport tout à l'heure avec Thierry. Alors dans les noms, Jankovic, le nouveau du Standard, Greg Van Avermaet qui a cartonné au Canada. Et alors Francesco Totti, le joueur de l'AS Roma, pourquoi Thierry ? L'impérateur, l'empereur romain, il rentre et tout change dans le Stade Olympique. Il a 39 ans, bientôt 40. Ouais, bientôt 40, le 27 septembre. Il va prolonger encore d'une saison. Le mec, il joue encore au foot à 40 ans. Ouais, il y a 25 saisons qu'il est là. C'est un vieillard, 40 ans au foot. Mais il est tout jeune. Mais 40 ans au foot. C'est un des seuls, non ? Il y a Buffon, non ? Il n'y a pas les gardiens. Non, 40 ans en radio, ça ne marche absolument pas. Non. À part, je regarde un peu les têtes autour de la tête. Là, nous, nos dinosaures égarés. Christophe, ouais. 67 ans, Thierry, il y en a quand même quelques-uns. Attends, alors pour dater Thierry, vous vous souvenez de Copie Conforme à la télévision ? C'est oublié du Carbone 14. Non, Copie Conforme, l'émission qui tient là. Forme ! Voilà, c'est en quelle année, Thierry, Copie Conforme ? C'est pas si vieux que ça, c'est 88. Après Yéna. Ouais, quand même. Après Jésus-Christ. Hein. J'avais 8 ans, ça c'est pour vous mettre. C'est dingue. Et le mur de Berlin n'était pas encore tombé. Presque. C'est comment ça passe les armées ? Il a commencé à se fendiller. Il est arrivé et il est tombé. Et ça a duré combien, les jeunes ? Parlez pas de Berlin, ça me donne les boules. Ça a duré combien de saisons, Copie Conforme ? 4 saisons. Vous savez que jusqu'au bout, je serai votre biographe officiel. Merci beaucoup. Sur ce moment-là. Je suis ému. Et micro-défi. Ah oui, micro-défi, c'était ? Ah, ça, c'était encore avant. C'était avant. Ah, voilà. D'aucun présent, c'était encore en noir et blanc. On a plus ou moins daté Thierry, vous comparez ça à jeune allemand et on se fait une idée. Il est 8h15, Cactus. Jérôme, le cactus, c'est l'actu du week-end. Oui, bonjour. Une mandach à le mâle, à la femelle. Denis Collard nous l'a annoncé. Une canicule pour cette semaine. C'est le moment d'acheter une rente viagère. Hein. Saluons d'ailleurs notre principal auditorat, toujours plus nombreux. Gériatrie toujours. Hier, Hillary Clinton a fait un malaise et s'est effondré à New York. S'effondrer un 11 septembre, curieuse mais originale reconstitution de la chute du World Trade Center. J'attendais alors la chute de son mari Bill, 29 minutes plus tard exactement, mais il a tenu bon. Bill Clinton, toujours aussi droit et raide. Excusez-moi, je pense qu'on s'y gare. En Belgique, les écoles secondaires... ça commence. Bon, même ça. En Belgique, les écoles secondaires ont ouvert leurs portes depuis une semaine et plusieurs élèves n'ont toujours pas d'école. Le constat est alarmant, il y a donc bien encore plus de place dans nos prisons que dans les établissements scolaires. Pourtant, quand on veut, on peut. Regardez au Parlement de la Fédération Wallonie-Bruxelles, avec Marie-Martine Schin, celle d'Agréoli. Pour une place, on en a créé deux. Mais je ne dis pas que ce serait aussi facile dans la sidérurgie. Mais la situation est intenable. Certains parents n'ont eu d'autre choix que de placer leurs enfants en internat, parfois même dans des collèges jésuites. Faites quelque chose. Non mais c'est, vous avez raison. Même Michel Martin a fini par trouver une place quelque part à un moment. Donc je m'adresse dès lors solennellement aux parents. Soyez plus prévoyants. Moi, j'ai déjà inscrit les futurs enfants de ma fille de 14 ans dans 17 écoles avoisinantes. Anticipez. Vous aussi, mettez toutes les chances de votre côté. Dès que le test de grossesse de madame est positif, hop, vous l'exhibez sous le pif de la secrétaire de votre école prioritaire. Et tous les trimestres, vous envoyez des copies sous scellés de vos échographies. Nous en sommes là. Le jour de l'accouchement, hop, dès que le travail est terminé et que l'expulsion est achevée, foncez à l'école. N'attendez même pas de couper le cordon ombilical. Prouvez que c'est le vôtre au préfet concerné. Madame a tenu 9 mois. Elle peut quand même bien faire un petit effort quelques heures de plus. Et on fera la file. Les mœurs régressent, c'est terrible. Nos habitudes quotidiennes sont bouleversées. Vous désirez tous deux un enfant, vous faites l'amour à votre femme et juste avant le moment fatidique, elle vous prend à la gorge. Attends ! Sommes-nous sûrs que le calcul de son indice composite nous permettra de bénéficier d'un coefficient favorable à l'obtention d'un critère de valorisation subséquent ? Mais là, c'est peut-être pas le moment, ma chérie. Salaud ! Tu veux qu'il se retrouve chez les jésuites ? Je connais un couple qui a 4 enfants. Ils habitent à Laeken. L'angoisse royale. Je les connais aussi. Quelle solution? Ah oui, elle saute aux yeux. Inscrire votre enfant dans l'école de votre choix, mais en tant que prof. Ah, ben il en manque. Partout. Je ne dis pas qu'ils tiendront toute l'année. L'indice décomposite de la profession étant le plus haut d'Europe. Maintenant, si malgré tout votre enfant était dans une école éloignée de son domicile et qu'il effectuait tous les jours, par exemple, un trajet Liège-Bastogne-Liège, qui fasse en vélo. Hein, formons nos champions. Parce que s'il y a bien un sport qui se rapproche du décret inscription, c'est le cyclisme. C'est long, pénible, on a des centaines à rester sur la route et ça fait mal au cul. Donc, voilà.

9h, le 8-9. Vivacité. Ah bah, si vous avez envie de raconter votre week-end, mais pas que, qui a dit tout à l'heure, inscrivez-vous. Une citation à identifier, un cadeau à la clé et un mot bien sûr à imposer à Jean-Luc pour le live de vendredi. Le qui a dit, c'est au 3063 SMS, vous indiquez je veux jouer, nom, prénom, coordonnées complètes. On a effacé toutes les inscriptions de la semaine dernière, poubelle, table rase, il y a donc de la place. Inscrivez-vous dès maintenant. Oh, vous avez regardé la télévision, la Une Télé hier soir, Sarah ? Cette grande série qui cartonne. Ouais, ça s'appelle La Vengeance aux yeux clairs, générique. Oui, ce climat légèrement anxiogène, Jérôme. Eh bien, dans La Vengeance aux yeux clairs, Laetitia Milo, qui a perdu toute sa famille et qui a été brûlée dans l'accident de voiture il y a 20 ans, revient dans la peau d'un avocat pour se venger de cette famille qui lui a fait du mal. Et qui est le méchant, le sale type, le monstre? Oui, Bernard. Bernard Hirless. Je suppose que c'est bien Laetitia Milo qui vient ce matin. Non, c'est Bernard Hirless. Pas de bol. Une chance sur deux. Pardon, Bernard. Mais, peut-être que le mec, comme il vient souvent, parce que c'est un bon client oui, de 8-9, tout à fait. Nous a fait un cadeau et peut-être qu'il viendra avec Laetitia Milo. Ah ouais. Ou son portable. Alors, en tout cas, elle est par derrière. Elle serait plus belle la vie, dès lors. Oh, bien joué. Et nous danserons avec une star, car elle a fait Danse avec les stars. C'est bon. Biographe de Laetitia c'est Milo. Fini les cabots, là. Voilà. Bon, quand il sera là tout à l'heure, vous ferez quand même semblant de vous intéresser un peu à lui. Bien sûr. Vous n'allez pas lui dire toutes les deux secondes, elle n'est pas venue, la fille elle est... Non, Bernard Hirless est notre invité tout à l'heure pour commenter cette grande saga de l'été. Il est 8h25, Sarah, c'est le Zap Télé avec télépro.be et des nouvelles de l'Eurovision. L'Eurovision, qui a gagné l'année dernière? Jamala, pour quel pays? Marie-Myriam. La Croatie. Avec son titre oui. 1944, c'est donc la Croatie qui va organiser. C'est l'Ukraine. L'Ukraine. Attends, on va refaire. J'ai entendu la voix d'ailleurs. En fait, je pensais à l'Ukraine et j'ai dit Croatie. Non, c'est bien l'Ukraine, pardon. On va refaire. Heureusement que ça enregistre. Qui a gagné l'année dernière l'Eurovision? La Biélorussie. Ce n'est pas la Croatie. Jamila. Jamila avec 1944. Moi, je dirais l'Ukraine, À mon avis, c'est l'Ukraine. Et donc, ça va se passer, c'est 44. Non, et donc, ça va. Bon, il y a moyen de. Je ne comprends rien. Ça va se passer en Ukraine. Tout ça pour vous dire que ça va se passer en Ukraine. Qui ça? Alors, là-bas, Budapest. Le concours de l'Eurovision. Ah, l'Eurovision. Oui, ce sera les 9, 11 et 13 mai prochains, à suivre sur la Une, bien évidemment. L'Ukraine, donc, où apparemment, c'était difficile de choisir une ville. Ah, parce que l'Eurovision, il y a beaucoup de monde, il y a toutes les télés publiques européennes, etc. Ça ne se choisit pas comme ça. Et là-bas, il y a eu carrément un tollé par rapport aux sélections. Trois villes étaient en lice. Ah, ils ont carrément fait des vidéos. Ils ont carrément fait des vidéos pour dire tous les points négatifs des autres, vous voyez. Genre le coin poubelle, les échafaudages, y a même les routes mal faites. Et donc au final, qui a gagné? Dniepropetrovsk, c'est plus facile à dire. La capitale, j'imagine. Ouais, Kiev. Oui. Rendez-vous à l'International Exhibition Center. Mais où est le suspense, forcément que c'est la capitale. Il y a Odessa. Mais en foot, vous savez qu'ils ne peuvent pas jouer dans toutes les villes. Il y a des clubs qui sont délocalisés en Coupe d'Europe, parce qu'il y a des villes qui sont trop dangereuses. Parce que dangereux. C'est quoi, c'est Kiev Adams qui... Juste pour savoir, deux poubelles sont en lice, évidemment, on saura ça en janvier. C'est deux ex de Voice. Il y a Pierre Lisée d'un côté avec ses chemises très fleuries, etc. Et de l'autre, c'était le finaliste face à Laura. C'est Olivier Quay, on saura ça au mois de janvier. Sarah, vous avez été d'une clarté limpide. Alors là. Et vive la Croatie. Voilà, je ne peux que vous remercier. Dans un instant, l'équipe de l'info. Et en accompagnement, le chef vous propose un émincé de rhizome de soja aux graines germées de navet chilien. Non, merci, je préfère nature. Votre maison aussi, préférez la nature avec Naturhome. Découvrez vous aussi la qualité des maisons et villas en bois Naturhome lors de nos portes ouvertes à Anus le 18 septembre après-midi. Info sur naturhome.be. Naturhome, naturellement exceptionnel. Vous avez moins de 30 ans et vous voulez acheter une maison, un appart? Très bien. Dans quelle commune chercher? Où décrocher des aides? Faut-il profiter des taux bas pour acheter grand, dès le coup d'essai, ou viser d'abord petit? Le guide pour bien acheter à Bruxelles et en Wallonie dans le spécial IMO du Vifl Express, en vente cette semaine. Le Vifl Express, pour ne rien vous cacher. L'été n'est pas fini, mais c'est maintenant qu'il faut préparer l'hiver. Chez Williams, nous vous offrons des prix fous sur tous nos châssis, portes et portes de garage. Williams, la vie du bon côté. Les prix fous Williams, c'est jusqu'au 30 septembre et c'est pour votre bien-être. Plus d'infos au 02 374 3006 ou sur châssiswilliams.be. L'Esplanade. Envie de faire de la place intelligemment dans votre dressing? Rendez-vous le 17 septembre de 11h à 19h à l'Esplanade. Action Vite Dressing. Vous apportez 10 kilos de vêtements, repartez avec une gift card L'Esplanade de 10€ et rendez service à des gens qui en ont besoin. L'Esplanade. Le shopping a changé d'air. Plus d'infos sur la page Facebook de l'Esplanade. Mon collègue Patrick m'a invité chez lui il n'y a pas longtemps. Et c'est parti, salut. C'était vraiment bizarre. Je te sers un petit apéritif. Magnifique. D'ailleurs, tout le monde trouve ça bizarre. Et les enfants, ça va, ça va, ça va, ça va, ça va. Allez, c'est vrai quoi, ne pas chauffer sa maison au gaz, c'est quand même bizarre. Ok, sa rue n'est pas connectée au réseau de distribution, mais alors t'appelles Primagaz, comme tout le monde. Profitez-vous aussi du meilleur du gaz. Devenez client. Surfez sur primagaz.be pour un avantage de 200€ et l'installation gratuite de votre citerne. Primagaz, le meilleur du gaz, là où vous le voulez. Feuille morte, tout l'hiver tu es resté, gorgé d'eau sur ce sentier. Et quand le printemps revient, promeneur sur le chemin, feuille morte. Tu te tiens en embuscade pour faire glisser en cascade Jules et son vélocipède. Oh, je crois qu'il a besoin d'aide. Voilà pourquoi les AP Assurance vous proposent l'assistance vélo. Une assistance 24 heures sur 24 pour toute la famille à 60€ par an. Plus d'infos sur lap.be. Les AP Assurance, toujours à vos côtés. Ceci est un produit d'assurance d'AGA International SA Belgian Branch. Mais enfin chérie, qu'est-ce que tu viens de dire, hein? Je viens de dire que là, les poissons clowns, ça va une heure, mais une semaine, là je peux plus, j'en ai plein les palmes, j'ai rat tout bas. Alors toi tu restes si tu veux, mais moi je vais chez Ford. Mais chérie! Non, je vais chez Ford! Eh oui, résistez à l'appel du tout nouveau et très charismatique Ford Edge, le plus grand SUV de la gamme. Aux Performance Days du 15 au 30 septembre chez votre distributeur Ford, ce sera une vraie performance. Ford, go further. Plus d'infos sur Ford.be. Et vous nous rappelez, Christophe, l'actualité de ce lundi. Le début ce matin de la phase 1 de la procédure Renault pour Caterpillar Gosselies, la phase d'information. Les syndicats vont poser des questions à la direction locale de l'entreprise pour mieux comprendre les motivations qui ont conduit à annoncer la fermeture prochaine de Caterpillar. Le procès des Kamikaze Riders commence à Bruxelles. Les deux membres de la bande de motards sont poursuivis pour participation aux activités d'un groupe terroriste. La campagne présidentielle a peut-être basculé ce week-end aux États-Unis. Hillary Clinton a été victime d'un malaise à cause apparemment d'une pneumonie, une faiblesse de la candidate démocrate qui pourrait servir à son adversaire républicain, Donald Trump. En sport, victoire du Standard hier soir avec son nouvel entraîneur et sacre final du Suisse Stan Wawrinka à l'US Open de tennis. Oh que ça va être bien ça, ensoleillé et chaud aujourd'hui, les maxima n'ont pas 28, n'ont pas 29, n'ont pas 30, plus, n'ont pas 31, mais... 12. 32. 32 monsieur, 32 degrés, vendu, il est 8h30. L'info de notre région. Bonjour Bruno Schmitz. Bonjour à toutes et tous. C'est une situation que vous avez certainement déjà vécue. La place de rêve que vous voyez au loin, vous vous approchez pour vous garer. Mais au moment de manœuvrer, vous vous rendez compte que c'est un garage. Sauf que ce garage, eh bien, il a l'air de ne plus vraiment en être un. Il a été transformé comme extension d'une maison, par exemple. Alors peut-on dans ce cas se garer devant ? Fabrice Gérard va tenter de nous éclairer. Quand garer sa voiture à proximité de chez soi devient un véritable exploit. C'est l'exercice quasi quotidien auquel se livre cette habitante de Skarbek. La jeune femme habite une petite artère de la commune, rue dans laquelle plusieurs emplacements sont confisqués par des propriétaires de pseudo-garages. Il y a certaines grandes portes cochères de vieilles maisons qui ne sont clairement plus des garages parce que c'est impossible de garer une voiture à part une mini peut-être. Mais maintenant, il reste encore le panneau qui nous précise que si on stationne, notre voiture sera enlevée. Mais donc, voilà, c'est vraiment pas facile de se garer aujourd'hui à Skarbek. Selon le code de la route, un garage est une partie de propriété privée accessible par une voie carrossable et l'automobiliste lambda n'a pas le droit d'entraver son passage. Mais que se passe-t-il si ce garage ne sert plus de garage, mais de débarras ou de chambre à coucher ? Karl Van Quali est juriste chez Touring et spécialisé en droit de la circulation. C'est toujours un accès carrossable aussi longtemps que, à courte durée, on peut évacuer la pièce pour y mettre une voiture. Par contre, si un garage est vraiment réaménagé en, je sais pas, en salon, en pièce d'habitation, qu'il y a un escalier derrière ou qu'on a installé une chaudière par exemple, donc qui devient définitivement non accessible, alors ce n'est plus un garage et on peut stationner devant. Alors combien de garages qui n'en sont pas ou plus vraiment existent-ils à Bruxelles ? Impossible de le savoir. Pour cela, il faudrait d'abord réaliser un cadastre. La réflexion est en cours, nous dit-on, dans plusieurs communes bruxelloises. C'est la fête de la communauté musulmane. Ce lundi, c'est l'Aïd El-Kébir ou fête du sacrifice. La tradition veut que chaque famille fasse abattre un mouton pour l'occasion. Les familles bruxelloises vont d'ailleurs de plus en plus en Flandre pour ces abattages. Quelques 5000 moutons seront par exemple abattus dans des petites petite structure à Lénic, à deux pas de la région, alors que l'abattoir temporaire installé dans la capitale en recevra à peine 650. Les familles souhaitent notamment pouvoir suivre l'abattage au plus près et ce n'est pas possible dans la structure temporaire de Bruxelles. Et l'Aïd et beaucoup d'autres thèmes seront abordés ce lundi avec l'invité de BX1, ce sera le député fédéral CDH Georges Dalmagne. Il répondra aux questions de Jean-Jacques Deleu vers 12h45. Et puis un projet original à présent. Une petite dizaine de jeunes bruxellois lancent un projet de wasserette mobile pour SDF. Grâce au financement participatif, ils espèrent pouvoir offrir un service de laverie aux sans-abri bruxellois. La SBL Bulle, en fait, dispose déjà d'une camionnette, de 4 machines à laver et de produits de lessive pour un an. Écoutez Camille Raz, c'est l'une des responsables. Bulle, c'est une camionnette qui dispose de 2 machines à laver et 2 séchoirs et d'une équipe de bénévoles motivés. Et donc, notre but serait de proposer un service de laverie aux sans-abri. Et donc, ce serait sur Bruxelles et nous travaillerons avec des associations partenaires et nous proposerons notre service aux sans-abri qui bénéficient de l'association avec laquelle on travaillerait. Ça nous permettrait aussi de créer un moment de partage où on pourrait créer du lien et aussi peut-être éventuellement proposer des services adaptés en fonction des demandes et des besoins spécifiques des personnes qu'on rencontrerait. Interview Philippe Carlo, la SBL Bulle espère récolter 7000 euros grâce au financement participatif. Et puis après une pause estivale, le Parlement européen lui fait sa rentrée aujourd'hui. S'il est installé à deux pas de la place du Luxembourg à Bruxelles, ce Parlement a pour siège officiel Strasbourg en France. Strasbourg où les députés se déplacent une fois par mois pendant une semaine. La rentrée se fera d'ailleurs dans cette ville française aujourd'hui. Une migration qui n'est d'ailleurs pas sans conséquence sur le dynamisme du quartier bruxellois. L'Oreca vit clairement au rythme des institutions européennes, comme les explique ses patrons d'établissement. Oui, on le ressent effectivement. Voilà, ils sont tous là-bas, donc on fonctionne plus avec une clientèle d'habitués, touristes. Mais voilà, effectivement, on va dire qu'il y a 30% de la clientèle qui bosse au Parlement européen. Alors, vous tenez un établissement Place du Luxembourg. Est-ce que vous ressentez une différence d'ambiance entre les semaines de session plénière à Strasbourg et le moment où les députés européens siègent à Bruxelles ? Mais lorsque il y a Strasbourg, forcément, les affaires sont beaucoup plus calmes. On est prévenu à l'avance grâce à des calendriers. Donc on sait à quoi s'attendre, point de vue personnel et tout ça. L'ambiance, par exemple, du jeudi, parce qu'ici c'est le jeudi, on ne sait pas très bien si ça change quand ils sont à Strasbourg, puisqu'ils reviennent en fin de journée de Strasbourg. Et c'est le soir du jeudi que ça éclate toujours en une ambiance folle. Mais disons que dans l'ensemble des autres jours, là, oui, c'est beaucoup plus calme, c'est plus sage. Une interview réalisée ce matin par Baptiste Tupin. Et on termine ce journal dans un cimetière, le cimetière multiconfessionnel accolé au cimetière de Scarbec. Il a recensé moins d'inhumations en 2015 que l'année précédente. Pourtant, la demande est là et les responsables voudraient l'agrandir. Ce lieu est ouvert aux personnes de confession musulmane, juive et orthodoxe notamment. Et récemment, on a aussi dû y enterrer plusieurs terroristes. Mais pour la présidente du conseil d'administration, Céline Villiers, cela ne devrait pas poser problème auprès des familles. Honnêtement, je pense que ça n'en aura pas. J'espère que les gens, tant les musulmans que les non-musulmans, ont compris les principes qui ont fait prendre cette décision, qui sont simplement que quand il y a un décès, il y a un corps, il y a donc une obligation de sépulture, que selon nous, on ne peut pas refuser, et qu'il y a en outre besoin de respecter les volontés de la famille. Quoi que la personne ait commis, on est dans un pays civilisé, on ne doit pas des corps à la mer. Interview Karim Fadoul, belle journée. Et à 9h, c'est vous qui le dites, avec d'abord le scandale qui choque la Flandre. 6 infirmiers d'une maison de repos se sont créés un groupe Facebook pour partager des photos humiliantes de résidents, notamment avec des couches culottes sur la tête. Comment on peut faire ça? Vous le direz tout à l'heure. Ensuite, c'est l'Aïd El Kébir aujourd'hui, mais il y a des alternatives. Vous préférez sacrifier un mouton, un bœuf ou faire un don d'argent? C'est possible. Et puis chez Caterpillar, début des négos, la FGTB veut bien reprendre le travail, mais à ses conditions, en aménageant. Est-ce que les travailleurs de Caterpillar doivent bosser tant plein ou pas, vous le direz. Zoé Boss, standard ouvert. Et par forte chaleur ou par grand froid, le numéro reste le même, le 070-233-466 et le 3063-50 cents par message. Vous voulez le dire, mais vous ne vous souvenez plus très bien de quels sont les sujets de cette matinée. Pas de souci, allez sur la page Facebook de notre émission. Et comment ça roule à 8h37? On va sur la route avec vous, Serge, notre motard Europe Assistance. Rebonjour. Bonjour, ça roule pas trop mal, hein. En tout cas, j'ai usé qu'on a eu deux accidents tout à l'heure. Maintenant, c'est terminé, les fils, hein, quand même, depuis Overijse jusqu'à Léonard, comme tous les matins, un petit peu pareil sur toutes les autoroutes pour arriver à Bruxelles. Le ring bien chargé entre Waterloo et Tervuren, enfin Léonard-Tervuren, vous perdez là plus ou moins entre 15 et 30 minutes. Vous perdez également quelques minutes entre Grand-Vigard et Gênes, du côté intérieur du ring. Alors, je suis passé il y a quelques minutes, avenue Tervuren. D'accord. On a pas mal de monde pour arriver au boulevard du Souverain. Merci beaucoup, restez prudents, évidemment, sur votre moto et rendez-vous tout à l'heure dans l'aller-retour avec Marc Vernon dès 15h sur Viva. Blavier, mon partenaire pour construire ma maison. Maison Blavier. Un problème sur la route? Prévenez le call center RTBF Mobile Info 0800 48 400. Pendant les 13 semaines du Beau Vélo de Ravel, Vivacité vous emmène découvrir un site touristique ou un musée de Wallonie et de Bruxelles en famille. Écoutez le 5 à 7 pour gagner les 4 entrées mises en jeu. Une belle occasion de s'offrir une sortie familiale estivale en collaboration avec Ciné Télé Revue et 365.be. En télé, sur la une, dépassement de soi, émotion, performance, Viva Rio les Paralympiques, votre émission quotidienne présentée par Christophe Delstange, tous les jours après le JT, sur la une. Voir et revoir, rtbf.be/ovio. Jaguar présente le Art of Performance Tour, du 12 au 24 septembre. Réveillez vos sens avec un essai inoubliable. Installez-vous dans une Jaguar XE et laissez-vous surprendre par son confort, ses hautes performances et sa faible consommation. Temporairement, à partir de 299€ par mois en leasing, 3 ans d'entretien inclus. Réservez vite votre essai inoubliable chez votre concessionnaire Jaguar ou sur jaguar.be. Jaguar, the art of performance. Vivacité présente les Showcase Joker Plus du Beau Vélo de Ravel. Yo les ravelistes, c'est les retardataires, aïe aïe aïe. Nous vous donnons rendez-vous ce dimanche 18 septembre au pied de l'Atomium pour faire la fête tous ensemble. Et on va partager la scène du Beau Vélo de Ravel avec les Magic System et Willy William. Et à très vite. Yeah. Le Showcase Joker Plus du Beau Vélo de Ravel, ce dimanche 18 septembre à Bruxelles. Un événement gratuit et accessible à tous. Joker Plus, chaque jour est un jour de chance. Avec un regard sport tout à l'heure, Thierry, dans chaque discipline a un nom. En cyclisme tout à l'heure, il y aura... Van Avermaet, incontournable. Hein. Ça semble si évident pour lui, il a tout gagné au Canada. En football, un nom. Sacha pour les intimes, Alexander Jankovic, le nouveau coach du Standard. Ouais, et en maison de retraite, un nom. Oh, vous êtes dur, Francesco Totti, il est éternel, il ne sera jamais à la maison de retraite. Ouais, il dit qu'il s'en va et puis il continue, alors qu'il a 40 ans, on en parlera avec lui tout à l'heure, dans le regard sport. Vous avez peut-être regardé à la télévision hier soir La Vengeance aux yeux clairs, c'est cette nouvelle saga télé. Laetitia Milo revient 20 ans après l'accident qui a tué toute sa famille pour se venger. Toute l'équipe rêvait de rencontrer Laetitia Milo. Eh bien, ce matin, zut, c'est Bernard Hirless qui est venu. Bonjour Bernard Hirless. Bonjour, bonjour, comment allez-vous? Mais non, on est c'est parce que les hommes s'attendaient à voir Laetitia Milo. Ceci dit, elle savait que je venais ce matin et elle m'a dit, en tout cas, j'ai un message très très important à faire passer. Peux-tu embrasser très très fort Thierry pour moi? Donc, sur la bouche qu'elle a dit. C'est langoureux. Et moi, ma journée est réussie. Me faire foutre. D'abord, un, il l'a fait sur la bouche. Deux, Thierry a pris du plaisir. J'étais là, j'ai tout vu. Alors, pour ceux qui ne se sont pas encore plongés dans cette saga événement de cette fin d'été, La Vengeance aux yeux clairs, tout a démarré par une voix off, celle de Laetitia Milo. Écoutez. Le temps, dit-on, apaise les souffrances et guérit toutes les blessures. C'est faux. Certaines ne se referment jamais et hantent vos nuits pour toujours. Pour moi, tout a commencé un soir d'automne. J'avais 20 ans. On venait de fêter mon anniversaire. Et ça démarre sur la... Oui, il y a un truc très suspense là-dedans. Ça démarre par un accident de voiture. Elle revient X années après dans la peau d'un avocat pour se venger du salaud. Et le salaud, c'est vous, Bernard Hirless. Oui, oui, oui. Enfin, on peut penser que c'est le salaud de l'histoire. Oh, c'est lui qui dirige cette famille. Exactement. Trouble. C'est un chef de clan, c'est un homme d'affaires qui réussit de manière pas toujours très orthodoxe, d'ailleurs, qui utilise de tous ses pouvoirs d'influence, etc. Qui est un personnage assez contrasté, très ambigu, ouais. Parce qu'à la fois il a des valeurs profondes, solidarité, fidélité familiale. C'est un peu un personnage à la Scorsese. Et de l'autre côté, pour arriver à ses fins, il est prêt à faire n'importe quoi. Donc, c'est quelqu'un qui a dans la main droite la capacité de faire le bien et dans la main gauche dangereuse la capacité de faire le mal. Vous avez vu la scène la semaine dernière quand il rencontre Laetitia Milot, qui est donc avocate, va se faire engager par la famille, et on voit que vous la matez un peu, parce qu'en plus c'est un homme à femme, il y a ce mélange entre pouvoir, femme. Exactement, tout me revient, oui, aussi, tout me revient. C'est une sorte de Don Juan aussi, fasciné par les femmes, il en a connu plusieurs dans sa vie, et il est effectivement tout de suite sous le charme de cette femme, qui fait tout aussi pour le séduire, pour pénétrer ce clan-là, dont elle est persuadée que... Ouais, c'est jamais la faute des hommes. Non, mais elle est fourbe. Elle fait tout pour. Parce qu'elle a sa petite voix, la Laetitia Milot, elle se la joue, je suis fragile, alors qu'en fait, c'est une histoire de vengeance au féminin. C'est ça la particularité dans le fond, c'est une femme qui pour une fois va se venger, c'est pas toujours très catho d'ailleurs à la manière. Non, alors il y a effectivement la vengeance principale qui est de se venger du meurtre de sa famille, mais à l'intérieur de ça, on va se rendre compte que c'est beaucoup plus complexe, évidemment, et qu'il y a d'autres vengeances internes aussi dans cette famille-là, enfin voilà. Et donc, c'est ce qui va maintenir le suspense de cette série, qui est une série de genre, hein, où il y a à chaque fin d'épisode un cliffhanger qui fait qu'on a juste envie d'aller voir la suite la semaine prochaine. Et vous vous êtes pas dit, zut, j'ai la trouille quand vous avez signé le contrat, parce qu'entre 87 et 2007, il y a eu une vingtaine de sagas sur TF1, il y a eu Cœur brûlé, Zodiac, Dolmen, Château des Oliviers, vous vous êtes pas dit à ce moment-là, ah, encore une, je me méfie. Non, parce que d'abord, le genre a été un peu laissé de côté pendant des années, et que sans doute que s'ils ils ont relancé ça, c'est qu'ils pensaient qu'il y avait une demande. Moi, je crois qu'on a vu des succès cette année sur d'autres séries du genre, et que moi j'ai trouvé surtout les scénarios formidables, quoi. Quand j'ai lu ça, je me suis dit ça, j'ai envie de jouer, d'abord parce que c'est un personnage un peu différent de ce qu'on me propose, et puis aussi parce que j'étais moi-même pris par le suspense. Ah, j'ai vu sur la page Facebook du 8-9 ce matin, quelqu'un qui dit j'aime pas le voir en méchant, Bernard. C'est sur la page Facebook du 8-9. Moi je donne la zone géographique, vous me donnez les villes, vous allez tourner ça à la Côte d'Azur, on voit d'ailleurs quelques villas avec piscine, eau purée, que tu pourras jamais te payer ça. Non. Vous avez tourné ça dans quelle ville? On a tourné ça tout autour de Nice, une ville que je connais bien en plus. Moi, j'étais pas très très loin de chez moi, parce que j'ai la chance d'avoir un petit pied-à-terre là-bas. Petite villa. Et alors, moi, j'ai un chalet dans les Ardennes. Et alors Non, mais c'était en plus une région très cinégénique, évidemment. Et vous êtes rentré chez vous chaque soir, sérieux, après le tournage, vous êtes rentré à la maison? Oui, régulièrement, oui, tout à fait. Votre femme, elle s'appelle Laetitia. Oui. Comme Laetitia Milot. Vous la connaissiez, Laetitia Milot? Non, on se connaissait pas. On s'est rencontrés un peu avant le tournage pour évoquer un peu toutes les scènes qu'on avait à faire ensemble. Non, en fait, je la connaissais évidemment en tant qu'actrice. Hein, elle est vous l'aviez vue dans Plus belle la vie? Je ne sais pas si vous êtes client de Plus belle la vie. Enfin, je l'avais déjà vue dans Plus belle la vie. Je ne suis pas là tous les soirs devant ma télévision, mais je regarde de temps en temps. Vous l'aviez vue dans Danse avec les stars? Non. On vous a contacté pour Danse avec les stars? Oui. Et vous avez dit? Et j'ai dit que j'étais pas libre, mais pourquoi pas? Enfin voilà, non, parce que c'est vrai que c'était difficile pour moi. Ça demande, je crois que c'est 3 ou 4 mois d'entraînement, en fait. D'entraînement, d'installations, de soirées, etc. Et moi, j'ai j'avais pas le temps de le faire. Alors que j'adore danser, que c'est pour ça qu'on me l'a proposé. Oh, Monsieur Foxtrot, vous foxtrotez ou vous tangoisez? Oh non, j'essaye un peu surtout de danser. Le cha-cha, le cha-cha-cha. Les femmes, le slow et les. Oui, et une les bonne bourrée poitevine. Ah bon petit jerk. Ah non, Monsieur fait du truc au contact, visiblement, puisqu'il veut du. Vous faites le collet serré, l'ambada? Je pourrais, oui. Donc peut-être un jour dans Danse avec les stars, c'est une info. Je vous dis juste un mot du générique de La Vengeance aux yeux clairs. Les images de ce générique sont magiques parce qu'on a l'impression d'assister à un truc de James Bond. Vous ne trouvez pas qu'il y a un truc un peu James Bond? Il y a des personnages qui apparaissent en surimpression, qui s'en vont, qui viennent. Vous ne trouvez pas qu'il y a un côté James Bond 10 ans dans le truc? Absolument, et puis je pense qu'ils font des efforts maintenant pour donner une image un peu moderne, quoi, à ce genre. Et je trouve que c'est un générique très accrocheur. Les petites news, parce que La Vengeance aux yeux clairs continue sur la une télé, c'est tous les dimanches soirs. Les petites news de vous, d'après Téléstar, et on a tort de ne pas dire plus souvent Téléstar. Oui. D'après Téléstar, vous êtes en train d'écrire un long métrage sur une bande de copains, vrai ou pas vrai? C'est vrai, c'est vrai. Vous en êtes où? Je viens de terminer la première version, j'ai pris du temps cet été pour ça, et le scénario s'appelle Pour l'instant, titre provisoire, Que reste-t-il de nos amours? Que reste-t-il de nos amours? Ok, et vous pensez aboutir quand? Alors là, j'ai terminé la première étape, j'ai tendance à dire sur les 177e qui restent à passer pour faire le film. Vous avez le casting déjà? Vous cherchez une jeune femme avec des yeux bruns et des boucles? Un peu ça pourrait convenir, oui. J'ai des yeux bleus, moi, jamais, mais c'est pas grave. Mais vous êtes loin, il y a une... C'est important pour le casting. Ok, vous cherchez un gentleman british qui aime le sport? No budget. Non, voilà, c'est hors de... Vous avez un rôle pour une espèce de Gollum? C'est un qui est un peu... Il n'a pas dit non. Il n'a pas dit non. Il n'a pas dit oui non plus. Le scénario est en cours d'écriture, même s'il est terminé, c'est la première version. Donc on va voir. Hier soir, vous avez regardé l'épisode La Vengeance aux yeux clairs, parce que si vous êtes là ce matin, je me dis que vous avez dormi en Belgique. Vous avez regardé la une télé hier et l'épisode hier ? Non. J'ai enregistré parce que j'avais une soirée avec des amis. J'ai découvert le paddle, qui est un sport génial. Ah oui, le truc où on est sur une planche et où on rame. Oui, c'est ça. Ça, le paddle. Non, ça dépend si c'est avec un dé ou deux dés. C'est une sorte de mini tennis et de squash. Ça, c'est avec un dé. Très à la mode. Très à la mode et c'est vraiment très très drôle. Et puis après ça, on a fait une pétanque et puis après, on a été au resto. Voilà. Donc, des moments que j'aime passer avec des amis quand je suis ici à Bruxelles. Eh ben, dans le fond, votre dimanche était plus passionnant que le mien. Tiens, je retiens ça. La vengeance aux yeux clairs. Merci d'être passé ce matin, Bernard Hirlès. Merci de m'avoir reçu. Et merci d'avoir embrassé Thierry qui gardera de ce moment un souvenir. Adélébi, c'était Laetitia. Je peux embrasser vos lèvres puisque vous avez embrassé Bernard Hirlès. Peut-être tout à l'heure. Qui a embrassé Laetitia. J'imaginais la transition. Il faut qu'on se la refile. Oui, bah fais gaffe aux maladies. Bon alors, dans un instant, qui a dit ? Si vous trouvez le même produit moins cher dans un autre magasin, Vandenborg rembourse la différence. Les prix les plus bas, tout le monde peut le dire. Mais Vandenborg le fait. Pierre rejoint sa toute nouvelle Seat Ateca les mains chargées de courses. Max, son fils, se précipite pour l'aider. J'ouvre le coffre, pas ? Laisse, je vais le faire avec mon pied. Les voici maintenant sur la route. Attention, pas, il y a une voiture qui nous dépasse, là. T'inquiète, mon rétroviseur m'a déjà prévenu. Arrivé dans leur rue, Max lui dit... Là, regarde une place, ça va aller ? Demande à ma voiture, elle se gare toute seule. Bon, si ta voiture fait tout, je peux la conduire. Ah, c'est ça. Nouvelle Seat Ateca avec freinage automatique d'urgence. Le SUV le plus équipé du marché à partir de 19 990 euros. Découvrez-la lors de nos portes ouvertes du 14 au 24 septembre. Seat. Le son numéro 9 du Kamasutra. Il faut battre le fer tant qu'il est chaud et investir quand le prix du mazout est avantageux. Maintenant donc, une décision intelligente qui le sera encore plus si vous choisissez d'investir dans une chaudière super économe. Le mazout, c'est la chaleur idéale. Car investir aujourd'hui dans une chaudière au mazout super économe, c'est profiter demain d'un rendement encore meilleur. Plus d'infos sur informazout.be. Mazout, chaleur innovante, chaleur rassurante. Bienvenue au driving de Renault Motors. Et pour monsieur, ce sera ? Oui, je voudrais la chicken nouvelle Renault Clio, s'il vous plaît. Et comme boisson ? Une grande garantie, arrosée d'une assistance. Un dessert ? Un bouquet d'entretien et durant 5 ans, s'il vous plaît. Dans un compte ? À partir de 139 euros par mois ? Ah, mais c'est parfait, ça ! Bien, monsieur, vous pouvez avancer vers votre concession Renault Motors, la plus proche. Partout dans le Brabant Wallon. À découvrir en avant-première chez CGO Center, la nouvelle Seat Ateca. Porte ouverte du 15 au 24 septembre avec des super promos sur tous nos véhicules de stock. CGO Center, avenue Louis de Brouckère, 34-36. Le 8-9. Qui qu'a dit ? Yvette est en ligne au ministère. Bonjour Yvette. Bonjour Benjamin. Mais vous êtes dans quel ministère ce matin ? Ministère de l'Intérieur. Au travail. Bon. Est-ce que Yann Yambon va vous aider ? Non, je ne pense pas, non. Non, je ne crois pas. Non, il a aidé qui jusqu'à présent ? Oui. Attendez. Je vais essayer toute seule. Ah non, il était à Plopsaland hier, avec tout le monde de la NVA. Yvette, voici le Kikadi. Un mot, un auteur à identifier, un cadeau à la clé. Vous pourrez choisir une seule personne autour de la table pour vous aider. Kikadi, si on m'avait fait venir pour tourner une roue ou faire gagner des voitures, je n'aurais pas su le faire. Si on m'avait fait venir pour tourner une roue ou faire gagner des voitures, je n'aurais pas su le faire. Qui dit ça ? Yann Barthès, qui lance donc une nouvelle émission aujourd'hui dans le groupe TF1, qui ne voulait pas tourner une roue. Sacha Daoud, qui animera les débats du dimanche, mais qui ne voulait pas faire un jeu à la RTBF. Ou Stéphane Bern, qui a un nouveau truc de l'après-midi, mais qui ne voulait pas faire un jeu. Vous pouvez, Yvette, demander l'avis de Thierry, de Jérôme ou de Sarah. Qui vous choisissez ? Oh, je vais prendre Thierry. Thierry, à votre avis ? Bon, à mon avis, c'est Yann Barthès, hein, puisque... Les roues, c'est quand même fort TF1. Voilà. Il a dit ça avec un ton assuré. Yvette, vous êtes libre de ne pas le suivre. Vous me dites ? Je le suis. Ah bah vous avez bien raison. Bravo. Effectivement, c'est Yann Barthès qui lance une nouvelle émission télé aujourd'hui en quotidien sur TMC. On ne capte pas ça chez nous, mais vous enverrez quelques passages sur TF1. Yvette, le cadeau pour vous ce matin. Qu'est-ce qu'on a fait au bon Dieu, le film qui passe ce soir sur la Une bon. Ok, super. Oh, écoute. Valeur marchande en deuxième main, 2 euros. Vous en aurez un bon prix, croyez-moi. Oh, ça va, d'accord. Benjamin, oui, est-ce que je peux vous demander une petite faveur ? Dites-moi. Est-ce que si M. Bernard Hirlès est toujours à vos locaux, m'envoyez un petit autographe ? Il est parti, malheureusement. Il a filé comme une flèche. Oh. Ouais. Il était suivi par une équipe télé Ils ont filé comme une flèche vers... Une horde de femelles en chaleur. Ouais, exactement. Dont Thierry qui disait, il est à moi. Oh, voilà. Désolé. Je suis toute triste. Désolé Yvette, mais vous embrasserez Thierry. Parce que nous, on est toujours là, par exemple. Quel est le mot que vous imposez à Jean-Luc Fong pour le live de vendredi? Passion. Pourquoi? La passion du sport, la passion du cœur. On doit vivre un peu passionné pour le moment, je pense. Tout à fait. Eh ben, vous avez bien raison, Yvette. Bien alors, dit. Vivez cette journée au ministère de l'Intérieur avec passion. Et arrêtez des méchants avec passion. Yvette, bonne journée, à bientôt. Merci beaucoup, je vous embrasse tous et je vous remercie, une excellente journée. Bisous. Salut, Yvette. Et dans un instant, le regard sport avec le mec qui a touché les lèvres de Bernard Yerles. Goulure. On n'est pas des pigeons, vous non plus? Alors rendez-vous dès 11h sur Vivacité. Vivacité présente 500 échoppes, marché aux fleurs, concours d'animaux, brocante et braderie, concert de Mister Cover. L'ambiance sera à la fête ce 13 septembre au marché annuel d'Anderlecht, place de la Vaillance et alentour. Ce 13 septembre, c'est la fête à Anderlecht. Offre spéciale rentrée du journal Le Soir. Abonnez-vous au Soir et bénéficiez d'un superbe ordinateur portable. Recevez votre journal papier le jour de votre choix, accédez à tout moment à votre journal et au contenu numérique du Soir et choisissez entre deux ordinateurs parmi les meilleurs du marché. Souscrivez dès maintenant à partir de 29€ par mois sur lesoir.be/ordi et économisez jusqu'à 330€. Il était une fois Baba, Ali Baba. Il habitait une grotte au milieu du désert. Oh, crotte, zut, j'ai encore oublié le code pour sortir d'ici. Eh oui, même dans les contes, l'accès à une boîte aux lettres est parfois compliqué. Vazam, ouvre-toi. Instagram, ouvre-toi. Oh, crotte, c'est pas ça. C'est alors que Parthenamut inventa des solutions digitales pour permettre d'envoyer ses demandes de remboursement à l'assurance complémentaire via son smartphone ou son PC. Ah ouais, ça le fait, ça. Rendez-vous vite sur parthenamut.be/connect ou sur votre plateforme d'application préférée pour les télécharger. Parthenamut, on vous simplifie la santé. Chez Vandenborg, ils ne disent pas seulement qu'ils adaptent leurs prix. Ils le font. Ils suivent systématiquement les prix des autres magasins. Et adaptent leurs propres prix. Pour être toujours les moins chers. Et ils sont tellement sûrs de leur coût. Qu'ils remboursent la différence si vous trouvez le même produit moins cher dans un autre magasin. Regardez sur vandenborg.be, vous y verrez chaque jour le nombre de prix adaptés. Les prix les plus bas, tout le monde peut le dire. Mais Vandenborg le fait. TV, multimédia, électro. Vandenborg, la confiance. Jusqu'à 9h, le 8-9. Jérôme, la question d'intérêt général. Alors à l'instant, le Dalai Lama est à Bruxelles. Si Charles Michel était le Dalai Lama, quel serait son surnom de plénitude bouddhiste? Si Charles Michel était le... Voilà, Benoît Demain propose Rika Dalai. On va tous finir sans chemise, sans pantalon, de toute façon. Jean-Marie Langlais, en compagnie de Bardot et Everian, Jean Boitier au Franken, ils forment les bons à rien. L'accueil du jour, encore pas mal d'élèves sans école, comment rebâtisseriez-vous le décret inscription? Bon, vous pouvez répondre à ça sur la page Facebook du 8-9, bien évidemment, à votre dispo, on corrige demain. Et si vous êtes sur vivacité.be, là c'est la revue de presse que vous trouverez tout à l'heure, toute l'équipe qui commente les journaux de ce matin. Il est 8h55, Thierry, le regard sport, et on va démarrer non pas avec du foot, mais avec du cyclisme. Greg Van Avermaet, qui au Canada a cartonné, c'est le nom que vous retenez de ce matin. Il a battu Sagan au sprint hier à Montréal. C'est quand même pas mal, c'est quand même une saison exceptionnelle. Il est venu sur le tard, hein, Greg Van Avermaet, parce qu'on a cru qu'il n'y arriverait pas. Il a quand même 31 ans. Je rappelle que c'est l'ancien gardien de but de Beveren aussi quand il était jeune. Il a bien fait d'opter pour le cyclisme. Ouais. Saison fantastique. Il a gagné en début de saison le Newsblad Tirreno-Adriatico, le maillot jaune au Tour de France et une étape, le titre olympique. Ouais. Hier, il gagne et maintenant, prochain objectif, bien sûr, championnat du monde, Qatar, mi-octobre. Un circuit aussi peut-être tracé pour Tom Bonen qui pourrait tirer sa révérence sur un deuxième titre mondial. Je crois que le cyclisme belge a encore de belles heures devant lui. Ceci dit, hier au Canada, c'est pas que le mental, hein. Il avait les jambes. Il paraît que le final était terrible parce qu'il y a eu les échappés, repris, un regroupe d'échappés. Le mec au dernier moment, il y va l'air de rien, quoi. Ouais, et Sagan l'avait battu 3 jours avant à Québec, donc c'était l'heure de la revanche. Comme quoi, dans un sprint puissant et long comme ça, Van Avermaet y répond présent. Oui, c'était gai à voir parce qu'il y avait un petit challenge Sagan-Van Avermaet. Ouais. Il était tout fier d'avoir battu Sagan. Je crois que c'était... C'est légitime. Ouais, c'était son plus grand plaisir. Ah ouais, ouais, absolument. Greg Van Avermaet. Au chapitre foot, alors un ancien qui pourrait prolonger sa carrière, alors qu'il avait dit qu'il partait. C'est Francesco Totti à l'AS Roma. Il aura 40 ans le 27 septembre. Il y a 25 ans qu'il est fidèle au club romain, de l'AS Roma, puisqu'il y a aussi la Lazio. Hier, c'était un match un peu particulier au stade olympique, parce qu'il y a eu un orage terrible, je ne sais pas si vous avez vu les images. Non. Le match a été interrompu pendant une heure. Et puis alors, le coach Spalletti l'a fait monter en seconde période avec Dzeko, qu'on va retrouver bientôt, c'est l'attaquant de la Bosnie. Et alors Totti, regardez-le, Bel homme, hein. Je sais que c'est... Bel homme, mais je veux dire, oui, il dénote avec tous les petits jeunes. Ouais. Ouais, bah, oui, il a marqué. Le père de certains joueurs. Il a 40 ans le 27 septembre. Il s'est fait tatouer un légionnaire romain sur le bras, et hier, il monte, il fait un assist pour Dzeko, et il marque un pénalty à la 93e. La Lazio, l'AS Roma, pardon, s'impose 3-2 face à la Samp. Bah, c'est le genre de joueur éternel. Il était déjà là, à l'Euro 2000 en Belgique. Il avait marqué contre la Belgique avec l'Italie, il y a 16 ans, rendez-vous compte. Mais il a un raisonnement qui est intéressant. Il dit, puisque je joue encore à ce niveau-là, même si j'ai dit que j'arrêtais, pourquoi je ne fais pas un an ? Bah oui, il va, comme on l'a vu, il va continuer. L'année passée, il n'avait pas beaucoup joué. Mais là, à mon avis, ça reste quand même l'icône, l'emblème de ce club. C'est absolument formidable. Ah oui, en matière de clubman, il n'y a pas mieux. Ah combien de temps il a fait là ? Donc là, c'est sa 25e saison. 25e saison, c'est à l'heure où les joueurs changent tout le temps de club, c'est assez remarquable. Ouais, ouais, ouais, c'est clair. Le football, c'est pas que physique. L'expérience paye aussi. Ouais. Ouais, mais là, il a un physique aussi qui le suit. Hein. Ça, on, parfois, on n'y peut rien. On a le physique ou on l'a pas. Et puis, on revient chez nous avec la victoire du Standard. C'était la première du nouvel entraîneur des Liégeois, Jankovic. Et il avait dit, pour moi, ce qui compte, c'est uniquement la victoire. Eh bien, ça a marché, il a gagné le match. Ouais, c'est un bon Standard. J'ai eu la chance de commenter ce match hier pour Vivacité. Et il y a eu beaucoup d'intensité. C'est toujours des bons matchs, d'ailleurs, Standard Genk. Et là, on sent quand même que le Standard a mis beaucoup d'implication dans son jeu, d'intensité. C'est ce que voulait le coach. Maintenant, il faut confirmer. Là, on voit le but de Beldofil, qui est le nouveau, la nouvelle recrue algérienne, qui a fait un très bon match. Il a marqué, il a beaucoup pesé sur la défense. C'est ce qui manquait au Standard comme un attaquant de taille. Et le Standard, qui, comme tous les autres clubs belges, va jouer cette semaine en Coupe d'Europe. C'est Bruges qui va ouvrir le bal à la Champions League. Le Standard jouera jeudi contre les Espagnols de Vigo, qui sont derniers en Liga avec 0 points sur 9. Mais être dernier en Liga, ça ne veut rien dire quand on connaît la force du championnat espagnol. Thierry, vous avez 10 secondes pour une prédiction ou une perfidie. Ce qu'on a vu ce week-end avec le Standard, feu de paille ou phénomène de long terme ? Renouveau à confirmer. Ça fait fait beaucoup de choix. On dirait nous tous les jours. Bon, on essaiera de reconfirmer demain, alors, dans ce cas. Avis de recherche. Nous signalons la disparition du dénommé Michel Janssens. Cheveux bruns, la quarantaine, il a été vu pour la dernière fois à bord du nouveau Hyundai Tucson en train de faire un test drive. Michel, si tu nous écoutes, tu nous ramènes le Tucson, s'il te plaît ? Merci. Le nouveau Hyundai Tucson, ça va être dur de nous le rendre après l'avoir testé. Découvrez cet SUV impressionnant ainsi que toute la gamme chez votre distributeur Hyundai lors des journées portes ouvertes du 9 au 17 septembre inclus. Hyundai, new thinking, new possibilities. Nous prévoyons des visages rayonnants. Fédéral Assurance, l'assureur qui partage ses bénéfices avec vous. Bon, à propos de renouveau à confirmer, Denis, est-ce que vous pouvez nous reconfirmer qu'aujourd'hui c'est vraiment comme samedi un truc waouh ? Oui, oui, ça va même être waouh. Ah. Et demain, ça va être waouh. Avec, bah oui, avec 26 à 31 degrés pour aujourd'hui. 31, c'est vrai, c'est pour la campine, mais quand même une moyenne de 29 dans le centre du pays. Encore quelques champs nuageux qui vont très vite se disloquer sur le centre notamment. Et puis 26 à 27 degrés sur les hauteurs. Et demain et mercredi, la fourchette devrait se situer entre 27 et 32 degrés. Attention, cette bouffée de chaleur, voire cette vague de chaleur, prendra fin jeudi en fin de journée avec l'approche d'une zone orageuse en provenance de France. Viva, il est 9h. Le journal, Sébastien Pierret, bonjour. Bonjour Benjamin, bonjour à tous. Depuis une heure, les syndicats de Caterpillar bombardent donc la direction de questions. La phase 1 de la procédure Renault, la procédure de licenciement collectif, a démarré ce matin. Un conseil d'entreprise se tient en ce moment, le premier depuis l'annonce de la fermeture, il y a un peu plus d'une semaine. On va commencer un processus de phase 1 qui risque de durer quelques temps. Donc il y a cette phase-là qui est pour au moins comprendre un peu comment on a pu arriver dans ce genre de...